musique actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrèche, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. Où en sommes-nous ? Est-ce l'apaisement ? Tel était le titre de la précédente chronique, chronique de mai. Nous étions entre le 24 et le 27 mai 1968, 100 ans. Très logiquement, nous voici le 28 mai. Mais Paris. Chronique de mai. Mais Paris. Une série de Dominique Chagnolot, réalisée par Jean-Jacques Vierne. Mais Paris. Sixième émission, Tout est possible. Avec Jacques Sauvageau, UNEF, Henri Weber, jeunesse communiste révolutionnaire, François Floïc, aide de camp du général de Gaulle, André Barjonnet, démissionnaire de la CGT en 68, Bernard Tricot, secrétaire général de l'Élysée, Maurice Grimaud, préfet de police, Pierre Lefranc, président des CDR, Jean Bornard, CFTC, le général Massu, Romain Goupil, comité d'action lycéen. Et les voix de Georges Segui, Eugène Descamps, Alain Gessmar, André Barjonnet, Pierre Madès-France, François Mitterrand, Jean Le Canuet, Valéry Giscard d'Estaing, Alain de Boissieu et Philippe de Gaulle. Georges Segui, 27 mai, à Billancourt. 29 heures durant, quasiment ininterrompues, nous avons livré bataille, pied à pied, dans des conditions difficiles, face à un adversaire tenace, intransigeant, mais tout de même suffisamment ébranlé par la grève générale pour que nous ayons pu lui imposer des concessions. Vous devez bien comprendre, camarades, que dans ces circonstances, il n'a pas été aussi facile qu'en 1936, par exemple, qu'évoquait Benoît Frachon tout à l'heure, d'aboutir aux résultats aussi satisfaisants que les travailleurs sont en droit d'attendre par rapport à la puissance de leur mouvement. Mais nous étions six syndicats différents face à un seul bloc patronal et gouvernemental. Les choses auraient été différemment si au lieu du bloc patronal et gouvernemental, il y avait eu en face de nous un gouvernement de gauche et face au patron, une seule organisation syndicale. CGT, CGT, CGT, CGT, CGT, CGT, CGT, CGT, CGT, CGT. Mais ce qui n'a pas été possible aujourd'hui le deviendra demain, pour si peu qu'on s'en occupe. Pour le secteur privé, les salaires sont augmentés d'une façon globale, générale, de 7% en juin, de 3% en octobre, sans préjudice des accords contractuels par entreprise ou industrie. Nous avons lutté pour obtenir le paiement des jours de grève. C'est une expression que les patrons n'aiment pas. Ils préfèrent l'appeler autrement. Au terme d'une longue discussion, le Conseil national du patronat français a accepté de payer 50% des salaires pendant la durée de la grève avec une modalité de récupération selon les cas. Selon les cas, écoutez. Avec une modalité de récupération selon les cas, et d'après ce qui vient de se passer, ça ne sera pas le cas de chez Renault. Ne nous méprenons pas, camarades. Rien n'est signé. Alain Gesmard, 27 mai. Je pense qu'en ce qui nous concerne, on peut déjà exprimer un point de vue qui est que les étudiants n'ont pas fait les barricades et ne se sont pas heurtés pendant des semaines avec la police pour quelques amphithéâtres de plus. Et nous doutons que les jeunes travailleurs qui ont mené ce combat l'aient fait pour 7% d'augmentation. À Paris, les manifestations extrêmement violentes de ces derniers jours ont souligné la nécessité de donner un caractère différent à ce qui doit se passer aujourd'hui. Pour nous, la situation se caractérise par l'éclatante démonstration que la crise de l'université, prévue et analysée par nous depuis plusieurs années, était profonde et révélatrice d'une crise encore plus grave de la société. Le mouvement dans l'université doit être aussi situé par rapport aux luttes actuelles d'ensemble. La démonstration a été faite que lorsque les forces qui s'opposent au pouvoir sont déterminées et fondent leur action sur des contradictions importantes de l'ordre social, le pouvoir peut être contraint à reculer, voire être ébranlé, menacé. L'entrée dans la lutte de millions de travailleurs a posé la question du pouvoir, et il est de la responsabilité normale des syndicats de la poser à tous les niveaux, en particulier en ce qui nous concerne, à celui de l'université. 27 mai, vers 17h30, un cortège part du carrefour des Gobelins pour gagner le stade Charletti. Je crois qu'on a toujours tendance à transformer Charletti. Il faut voir qu'est-ce qui est à l'origine de Charletti. À l'origine de Charletti, il y a la décision de Pompidou d'interdire des rassemblements de plus de 3 personnes. Jacques Sauvageau. Par rapport à ça, notre idée a été tout de suite de dire qu'il faut faire une proposition de rassemblement, de manifestation, qui puisse être acceptée et qui évite trop de manifestations éclatées et sporadiques, parce que celles-là seront violente et dangereuse pour les gens qui y participeront. Et donc, il faut proposer aux gens une perspective qui leur permette de ne pas se trouver sans rien faire, donc d'avoir envie de manifester leur désapprobation et à ce moment-là d'être soumis à une violence policière qui serait déchaînée beaucoup plus qu'au début du mois de mai. Et donc, il y a eu l'idée de faire une manifestation dans un lieu fermé. Et le lieu fermé, en l'occurrence, a été le stade Charletti. Il se trouve que c'était aussi le moment des négociations entre les organisations syndicales, le patronat et le gouvernement. Et que Charletti a coïncidé avec le premier refus d'accepter le résultat des négociations. Parce que je crois que de la même façon que les étudiants, les travailleurs au départ n'étaient pas partis sur des revendications précises, et que même si, dès la première fois, ils n'avaient pas obtenu des choses qui étaient complètement négligeables, ça ne leur semblait pas répondre à leurs aspirations profondes. Alors du coup, Charletti est devenu un peu une manifestation qui a exprimé le refus des accords entre le patronat et les organisations syndicales. Alors souvent, on a voulu y voir une opération Manès France, parce que Manès France était là, parce que Manès France était à la tribune. Je crois qu'il y a eu des gens qui ont pensé à ce moment-là à faire effectivement une opération Manès France. Mais, et en particulier du côté d'une partie du PSU. Et c'est d'ailleurs cette partie du PSU qui a amené Manès France à la tribune, mais nous lui avons refusé la parole. En effet, ce que veut actuellement le gouvernement, c'est diviser ceux qui sont les plus décidés à la lutte du reste de la population pour que l'ensemble des travailleurs français ne comprennent pas et ne s'associent pas à leur lutte. Or, c'est le contraire de ce que nous voulons. Et je crois qu'à cet égard, la manifestation d'aujourd'hui est particulièrement importante. Nous avons été frappés en arrivant au lieu de rassemblement, en arrivant ici, de l'importante proportion de travailleurs et de travailleuses dans cette manifestation. Pour nous, il était hors de question qu'un politique puisse intervenir à l'occasion d'une manifestation, d'un rassemblement comme le rassemblement de Charletti. Je crois qu'il faut d'ailleurs reconnaître là-dessus qu'à ce moment-là, nous ne nous sommes pas posé la question et on n'en avait pas les moyens. Pour nous, Charletti était avant tout une manifestation du mouvement, une manifestation qui devait être unitaire, et en particulier dans la mesure où le mouvement, à ce moment-là, c'était dans les entreprises, cette idée des travailleurs de refuser les accords qui avaient été conclus parce qu'ils pensaient qu'ils voulaient plus, qu'ils voulaient autre chose, Charletti, c'était d'abord, et c'était essentiellement cette manifestation-là. Comment a réagi Mendès ? Mendès est parti parce qu'il avait rendez-vous avec Edgar Faure après. Parce que Mendès était à ce moment-là sur plusieurs créneaux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire Mendès était à la fois sur, disons, un peu le créneau, dans quelle mesure il pouvait essayer d'être porte-parole du gouvernement. Il était à la fois sur un créneau qui était plus le créneau Union de la gauche, et il y avait des tractations, justement, au niveau des partis de gauche sur ce qu'il était possible de faire. Et Mendès France avait aussi, justement, un créneau qui était plus ouvert, qui était l'alliance avec une partie de ce qu'on pourrait, appeler aujourd'hui le centre. Donc Mendès France est venu, le PSU, il a fait monter à la tribune, il pensait que, je crois que c'était déjà important qu'il se fasse voir. Certains ont essayé timidement de savoir s'ils pouvaient prendre la parole, mais je crois d'ailleurs que ça ne correspondait pas à un désir de Mendès. Mais qu'en quelque sorte, c'était un peu le pousser, justement, plus loin d'où il aurait voulu aller. Charletti s'est produit à un moment où les objectifs du mouvement étaient à deux doigts d'être atteints. Les objectifs réels de l'extrême-gauche... Henri Weber. Ce n'était évidemment pas d'instaurer la révolution sociale, parce que c'était pas possible. Mais l'objectif maximal était d'obtenir le départ du général de Gaulle. Et la désignation d'un gouvernement de gauche... Mitterrand-Mendès, ou plutôt l'inverse, Mendès-Mitterrand, porté par la rue. Pour nous, le général de Gaulle était arrivé au pouvoir grâce au 13 complot du 13 mai. Il avait été porté au pouvoir par la rue, par les meutes, par les barricades d'Alger. Il était juste qu'il retourne à Colombey-les-Deux-Églises par les mêmes voies. Et par ailleurs, ça aurait ouvert une situation qui, pour les révolutionnaires que nous étions, semblait tout à fait riche de promesses et de dynamisme. C'était ça l'objectif. Et au moment de Charletti, c'est-à-dire après l'échec des pourparlers de Grenelle, on était à deux doigts de les atteindre. Donc la fonction de Charletti, c'était de dégager le champ pour une solution gouvernementale de gauche. D'ailleurs, pourquoi Mendès était à Charletti ? Parmi les personnalités en dehors de Rocard, de André Bargeonnet, que je ne confonds pas, il y avait aussi Robert Buron, ancien ministre, qui n'était jamais passé pour un gauchiste, comme disait à l'époque, et Mendès France est venu. Alors, c'est Sauvageot qui a inauguré la réunion, qui a passé ensuite la parole à, je ne sais plus, une ou deux personnes, et puis c'était moi. Ils disent que c'est possible, et c'est vrai, je ne fais pas partie, moi, spécialement de l'organisation qui édite un journal où il y a marqué « Tout est possible ». Mais c'est vrai qu'une journée comme aujourd'hui, quand nous voyons, malgré l'interdiction du Parti communiste et de la CGT, ce qui se passe, nous pouvons vraiment dire « Tout est possible ». Romain Goupil. Il y avait énormément de lycéens au stade de Charletti. Je me rappelle avoir pris la parole devant toute cette foule. Le principe, c'était travailleurs, lycéens, étudiants, travailleurs, tous unis, nous vaincrons. Mon intervention s'était réduite à ça à l'époque, parce que personne ne voyait exactement l'issue politique du mouvement. Tu avais vu Mendès France à l'époque ? Oui, bien sûr, il y avait une bagarre d'ampleur sur la tribune pour savoir qui prenait la parole et au nom de quoi, comme d'habitude. Donc je m'étais retrouvé en tant que représentant des cales à saluer l'ensemble des manifestants, mais c'était un petit peu apolitique. L'intervention était uniquement de solidarité et tout le monde attendait un petit peu une réponse qui venait pas, en tout cas, ni de la SFIO, ni de Mendès France, ni des organisations étudiantes. Et pour cause, le blocage était total de la part de la CGT et du PC, qui représentait la seule possibilité de changer ce qui était en train de se passer dans le pays. François Mitterrand. Le départ du général de Gaulle au lendemain du 16 juin, s'il ne se produit pas avant, provoquera naturellement la disparition du Premier ministre et de son gouvernement. Dans cette hypothèse, je propose qu'un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mis en place. Sa durée sera limitée pour le moins à l'élection du nouveau président de la République, qui aurait lieu dans cette perspective dans le courant du mois de juillet. L'un des premiers actes du président de la République sera de dissoudre l'Assemblée nationale. Il se portera solennellement garant devant le pays du respect des libertés individuelles et publiques, notamment par un droit égal d'accès à la radio-télévision, et par l'exercice des droits de réunion et d'information pour toutes les formations politiques, quelles qu'elles soient. Mais il est naturel qu'au point où nous en sommes, deux questions vous viennent à l'esprit. Permettez-moi d'y répondre. Première question. Qui formera le gouvernement provisoire? S'il le faut, j'assumerai cette responsabilité. Mais il en est d'autres qui peuvent y prétendre au même titre. Et je pense d'abord à M. Pierre Mendès-France. Au demeurant, ce n'est pas un problème d'homme. C'est, je le répète, un choix politique. Et ce choix politique qui commandera l'action, c'est celui que j'ai défini. Et qui sera président de la République? Souverainement et librement, le suffrage universel le dira. Mais d'ores et déjà, pour votre information, je vous annonce, parce que le terme éventuel est à 18 jours, et parce que c'est le même combat, je suis candidat. Le 27 mai, Daniel Cohn-Bendit rentre clandestinement en France en franchissant la frontière franco-allemande après avoir été expulsé. Et donc passer la frontière comme prévu, à l'endroit prévu, choisi par nous au moment prévu. C'est-à-dire que comme il a été dit par le président de la SDS, la frontière franco-allemande est longue et où de Gaulle mobilise une armée, où il y sera impossible de ne pas laisser passer ceux qui veulent passer. Le problème maintenant, qui est posé par mon retour, c'est que le Parlement doit se réunir dans les jours pour déclarer par un projet de loi que l'activité politique est autorisée pour tout étudiant ou tout ouvrier étranger qui travaille en France. Cela veut dire que puisque des gens peuvent travailler, peuvent faire marcher le capitalisme français, il est absolument aberrant de leur interdire l'expression et l'action politique en France. Bernard Tricot. À mon avis, personne ne sait la vérité totale sur la journée du 29 mai, et je ne prétendrai pas du tout la détenir. Quand il m'a appelé dans son bureau au début de cette journée, il m'a dit, et vraiment je crois qu'il était sincère, il m'a dit « je suis fatigué, voilà encore une nuit où je n'ai pas dormi ». Et je savais que pour lui c'était très grave de ne pas dormir, que ça le mettait dans un grand état de fatigue. « Je n'ai pas dormi, je ne serai pas capable de bien présider le Conseil des ministres et on s'en apercevra. Il vaut mieux donc que je renvoie à plus tard cette séance. Prévenez immédiatement Matignon que le Conseil des ministres de ce matin est annulé et qu'il est reporté à demain, je crois qu'il m'a dit 15h ou 15h30. D'ici là, je vais aller me reposer chez moi. Je vais quitter Paris où je dors mal. On entend dans la nuit les bruits de grenades qui explosent, etc. J'irai chez moi, je me reposerai, cela me fera du bien. Quand j'ai fait part de cette décision à Georges Pompidou, il m'a dit « Ah, c'est très ennuyeux, il ne faut pas qu'il s'en aille. Dites-lui de se reposer à l'Élysée. » Je lui ai dit « Non, il ne se reposera pas à l'Élysée. » J'ai revu le général en fin de matinée, quand il a quitté l'Élysée. Et je me souviens très bien que, alors qu'à 9h ou 9h30 du matin, j'avais vu en face de moi un homme très las. Quand il est parti, j'ai eu en face de moi quelqu'un qui, tout en étant encore un homme las et triste, paraissait avoir pris une certaine résolution et était en bien meilleur état qu'il ne l'était le matin. Ce qui me confirme dans l'idée qu'il y avait dans son comportement à la fois un plan et une profonde lassitude dans laquelle il baignait. Vous n'imaginez pas ce qu'a été le désarroi des cadres politiques Michel à Jobet. Cette époque, et tout s'est joué sur quelques heures. J'étais dans le bureau de Georges Pompidou quand le général lui a téléphoné en lui disant qu'il reportait le Conseil des ministres, qu'il allait prendre le temps de réfléchir et qu'il a terminé par cette phrase si incongrue dans sa bouche, « Je vous embrasse », qui a laissé le Premier ministre perplexe, voire pantois. Et je peux vous dire que pendant cette époque, cette période très courte, tout pouvait basculer, et que j'ai vu que tout allait basculer. Bon, alors je ne me suis pas beaucoup étendu en confidence sur ces quelques heures, mais simplement, il y a un moment où on peut donner un témoignage médiocre, c'est vrai, partiel, c'est vrai, mais historique. Et je vous dis, ça a été une période totalement imprévisible. Je dis 2 heures ou 3 heures de plus d'absence non justifiée de ce militaire de haut rang aurait changé la face de la vie politique en France. Le chef de l'État avait disparu. Maurice Grimaud. On avait trop pris l'habitude de tout attendre du général de Gaulle. Le système était fait de telle sorte que c'est lui qui donnait le ton pour tout événement et qui donnait la clé de toutes les solutions. Or, le général de Gaulle était silencieux, le général de Gaulle semblait ne pas avoir pris sur les événements, et finalement, le général de Gaulle avait disparu. On peut très bien comprendre, donc, le désarroi des uns et des autres. En outre, comme toujours dans les périodes d'extrême difficulté, les clivages, les failles, n'est-ce pas, apparaissent beaucoup plus que lorsque tout va bien. Et là, manifestement, il y avait eu pendant toutes ces semaines une certaine faille qui s'était introduite dans les relations du général et de M. Pompidou. On savait que le général n'avait pas apprécié que M. Pompidou, au retour d'Afghanistan, ait tout de suite ouvert la Sorbonne et pris des mesures très, très bienveillantes pour les étudiants. Dans les affaires de Grenelle, qui venaient tout juste de se conclure, mais qui avaient finalement été un échec, le général de Gaulle critiquait la position de M. Pompidou et estimait qu'il avait beaucoup trop lâché. Il y avait donc manifestement un différend, n'est-ce pas, entre les deux, qui était sensible, que toute la classe politique sentait. Et du côté gaulliste, il y avait un sentiment mitigé. Il y avait le fait que tout de même, en effet, beaucoup commençaient à penser que le général était peut-être un homme un peu trop âgé pour faire face aux événements, pour assurer la suite. Et comme M. Pompidou s'était révélé un chef de gouvernement calme, décidé, résolu, faisant bien face à toutes les menaces, on avait le sentiment qu'il y avait là une relève tout indiquée, et beaucoup auraient aimé que le général de Gaulle s'efface plus rapidement et que M. Pompidou prenne plus vite la succession, n'est-ce pas ? C'était des choses qui étaient impensables quelques semaines avant mai 68, ce genre d'expression que l'on entendait couramment, qui se disait, qui se discutait. Eugène Descamps, CFDT. Nous constatons aujourd'hui que nous n'avons plus d'interlocuteur devant nous. Même si apparemment il y a encore un gouvernement et un État, nous ne rencontrons plus de ministres. L'administration centrale semble complètement désorientée. Nous avons le sentiment d'un vide devant nous. Et c'est parce qu'il y a ce vide que nous nous disons, nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Le fait que le général soit parti à Colombey, le fait que certains ministres aient dit encore ces jours derniers qu'ils se demandaient s'ils seraient là à la fin de la semaine, tout ça nous fait penser qu'il y a un changement radical qui est en train de s'opérer. Et nous disons, lorsque nous écoutons les travailleurs, lorsque nous écoutons nos militants, ceux-ci expriment le sentiment suivant: dans une crise aussi grave, il faut un homme qui ait la confiance. Et cet homme est ? Cet homme a montré, par la manière dont il s'est comporté avec le général de Gaulle au lendemain de la guerre, et je parle pour les plus anciens, en proposant une politique extrêmement courageuse sur le plan économique et social, politique qu'à l'époque le général de Gaulle n'avait pas acceptée, ce qui a amené la démission de Pierre Mendès-France. Cet homme a montré, dans la manière dont il a réglé le problème de la guerre d'Indochine, dans la manière dont il s'est comporté lorsqu'il était dans un gouvernement de front républicain et qu'il s'est opposé à la poursuite de la guerre en Algérie, qu'il était un homme de caractère, qu'il était un homme courageux, qui en plus a des connaissances très réel des problèmes économiques et financiers. Il apparaît donc à beaucoup de Français, presque tout naturellement, que dans ce profond mouvement actuel, il peut être un élément catalyseur capable de rassembler des énergies et de dégager des objectifs. J'ai été présent à l'entretien que nous eûmes avec Pierre Mendès-France, une délégation confédérale où il y avait André Janson, Albert Destrase, Eugène Descamps et moi-même. René Bonetti. Je n'ai jamais oublié cet entretien, car Mendès-France, dans cet entretien, n'avait qu'une seule préoccupation, la jeunesse de France. C'est incroyable le nombre de questions qu'il nous a posées sur les motivations de cette révolte de la jeunesse. C'était sa grande préoccupation. Jean Le Canuet. Si ce gouvernement doit disparaître parce qu'il n'a plus la confiance, si le référendum n'apporte aucune solution et s'il est déjà dépassé par les événements, si le recours à l'article 16 débouche sur l'aventure, il n'y a qu'une voie de salut, et elle existe, c'est de donner, et d'urgence, à la France un gouvernement nouveau. Un gouvernement de salut public. Le CGT a été insultée dans une manifestation où se sont retrouvés finalement tous ceux dont Pompidou me parlait, qui s'était livré à un conciliabule un peu dans notre dos, comme disait Pompidou à ce moment-là, dans la mesure où on organise une manifestation, au moins un rassemblement, où la CGT est vilipendée, insultée, ses dirigeants traînés dans la boue, accusés de trahison, les négociations de Grenelle aussi, les élections traitées de piège à con, etc. Tout ce que j'en passe est des meilleurs. Il était bien extraordinaire que la CGT tende la joue droite après avoir reçu une gifle aussi retentissante sur la gauche. Et dans ces conditions, nous avons voulu prouver, sous la forme appropriée, par une manifestation tout à fait calme, sans affrontement avec la police, que le rapport des forces, en ce qui concerne les travailleurs en lutte, était toujours bel et bien du côté de ce que la CGT dirigeait. La CGT a eu peur d'être doublée. Jean Bornard. À ce moment-là. Et ils ont fait une manif extraordinaire. Oh, il devait y avoir 200-300 000 personnes, en mobilisant toutes les communes de la banlieue parisienne, enfin, etc., avec le défilé sur les boulevards. Et ça, une maîtrise extraordinaire. Ça, c'était le rouleau qui passait. C'était les forces organisées à côté du romantisme, si vous voulez. Et ça a été, c'était l'avertissement pour qu'il ne soit pas oublié dans les jeux politiques qui avaient l'air de se dessiner à l'époque, puisqu'il était question de faire un gouvernement, c'était ce jour-là. Et ça, c'était impressionnant. Toute notre politique, enfin, en 1968, a consisté à d'abord à utiliser la situation, en effet, pour faire obtenir pour la classe ouvrière ou pour les étudiants les revendications qui étaient les leurs. Je pense surtout pour la classe ouvrière, une augmentation considérable des salaires. Il y a eu 35% d'augmentation du SMIC. Il y a eu la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Il y a eu aussi le paiement de la moitié des jours de grève. Enfin, il y a eu une série de choses très importantes sur le plan revendicatif qui a été obtenu. Mais en même temps, les communistes et les communistes qui étaient dans la CGT liaient ces mouvements revendicatifs à la nécessité d'avoir un gouvernement d'union démocratique. Mais c'est là que nous nous sommes heurtés aux manœuvres et en définitive au refus du Parti socialiste. Pierre Mendès France. Nous ne savons plus très bien aujourd'hui où en est le régime. Nous ne connaissons pas ses intentions, ses décisions. Nous ne savons pas s'il y a encore un gouvernement, si à brève échéance, le régime tout entier n'aura pas reconnu son échec et s'il en aura tiré des conclusions. Dans ces conditions-là, longue conversation de travail que j'ai eue avec les dirigeants de la Fédération de la Gauche devait tenir compte de toutes ces incertitudes. En définitive, notre réponse, en toute hypothèse, conduit toujours à la revendication de la constitution d'un gouvernement de transition, ce que François Mitterrand, dans sa déclaration d'hier, a appelé un gouvernement provisoire. J'avais parlé, il y a déjà un certain temps, de gouvernement de transition, enfin, peu importe le vocabulaire, nous avons constaté que c'était la solution que l'opposition de gauche devait mettre en avant et que c'est une solution applicable à toutes les hypothèses qui pourront se produire au cours des prochains jours. Et il y avait au sein de la majorité également, était apparue aussi une autre faille plus marquée entre l'équipe giscardienne et l'équipe gaulliste. Et M. Giscard d'Estaing était un peu l'arbitre. Dans ce moment où tout craque, Valéry Giscard d'Estaing, même la fidélité élémentaire, je souhaite pour ma part que le président de la République continue à assumer ses fonctions et à représenter la légalité que le peuple français lui a librement confiée par son vote. Le gouvernement qui, malgré un sursis, n'a réussi ni à rétablir l'autorité de l'État, ni à remettre la France au travail, doit partir de lui-même, selon la règle démocratique. Son maintien prolongé, qui ne répond plus à aucune nécessité d'intérêt national, fait déboucher la crise sociale sur la crise de régime. Le gouvernement nouveau, gouvernement normal et non provisoire, devra revenir à la réalité politique du pays, ignorée et faussée depuis le deuxième tour des élections présidentielles de 1965. Puisque la coalition de la Fédération de la gauche et du Parti communiste revendique le pouvoir, un gouvernement représentatif de la majorité réelle du pays, c'est-à-dire de toutes les autres tendances sans exception, doit être constitué. Le sentiment de vacance du pouvoir était très fort, était général. C'est-à-dire que au sommet, l'appareil d'État n'en brillait plus. Le système de la Ve République était tel, il était tellement lié à la clé de voûte présidentielle, à la magie d'un seul homme, que cet homme étant abattu, démoralisé, fatigué, toute la hiérarchie, et notamment dans ses sommets, perdait la tête, perdait littéralement la tête. Cet État qui était réputé fort s'est en quelque sorte, le public ne l'a pas su, ne l'a pas deviné, totalement écroulé en quelques jours, avec des préfets qui n'obéissaient plus. À ce point. Non, ça, l'État s'est écroulé dès lors que la grève a relayé les émeutes parisiennes. Et c'est là où notre situation était très précaire, car nous n'avions plus le moyen d'exercer un commandement normal. Et nous avions simplement la capacité... Enfin, je vais schématiser. L'État a reposé sur la loyauté de la gendarmerie et des CRS, pour le reste. Les ministères ne répondaient pas. On voyait arriver des hommes politiques apeurés, précautionneux, furieux, des gens qui parlaient sous l'influence de leurs nerfs. On ne voyait pas de grands visionnaires de ce que pouvait être les lendemains de ce qui était en effet un grand ébrouement de société. Philippe de Gaulle. Ah, moi, je lui ai donné un conseil. Deux jours avant, nous nous sommes vus dans la soirée et je lui ai dit « Vous ne pouvez pas rester à Paris. Si vous restez à Paris, vous êtes enlisé. Vous n'avez plus de gouvernement. Il faut sortir de Paris. » Il a dit « Je vais aller à Colombey-les-Deux-Églises. » Je lui ai dit « Vous allez à Colombey-les-Deux-Églises, ça n'aura aucun effet. Les gens diront « Il est parti en week-end. » Il faut que vous alliez ailleurs. Vous marquez le coup ailleurs. » Puisque vous ne pouvez rien obtenir de ceux qui sont avec vous et qui sont votre gouvernement, et qui de toute façon n'ont aucune action et ne saisissent rien du tout, il restait quand même le préfet de police et un certain nombre d'autres éléments. Il ne faut pas exagérer. Mais si vous restez à Paris, vous serez enlisé. J'ai trouvé un homme qui était fatigué. D'ailleurs, il me l'a dit, je suis fatigué, je ne dors pas ici depuis plusieurs jours. J'ai besoin de me rendre à la campagne pour me refaire. Puis, d'autre part, De Gaulle avait 78 ans. François Floïc. Pour ce qui concerne son abattement, je mets cette affirmation en doute, car je l'ai dit et je peux le prouver. En ce qui concerne mes rapports avec De Gaulle, j'étais son aide de camp, il n'a jamais été autant général que ce jour-là, car il ne m'a donné que des instructions justes nécessaires pour effectuer ce qu'on appelle en termes militaires le bon suivant. Vous savez que le général De Gaulle avait une habitude qu'il avait, qu'il pratiquait souvent, c'était de faire preuve de grand pessimisme. Pierre Lefranc. Et il l'avait fait la veille de son départ, d'ailleurs, à plusieurs interlocuteurs qui l'ont raconté depuis, dont Christian Fouché, qui l'a raconté, dont Monsieur de Baptiste, dont Michel Droit, qu'il avait vu la veille, le 28, à qui il a dit « tout va mal, tout est perdu ». Et naturellement, ces interlocuteurs, devant une telle débordement de pessimisme, réagissaient. Le général nous a fait ça maintes fois, et dans son entourage, nous le savions, nous connaissions cette méthode qu'il avait pour provoquer chez son interlocuteur une réaction, qui lui fournissait des arguments, qui faisait preuve d'ardeur et de conviction. Alain de Boissieu. Moi, j'ai vu le matin à l'Élysée un homme qui m'a fait la comédie de l'Apocalypse. Et même comme je savais que ça lui faisait mal de débiter cette litanie, je lui ai dit « ce n'est pas le gendre qui est devant vous, c'est le général commandant de la 7e division, il a un message à vous transmettre ». À partir de ce moment-là, le général s'est mis debout lui aussi, et l'entretien a eu lieu debout, moi presque au garde-à-vous, en disant « bon, ben, fini les moulinets, maintenant croisons le fer ». L'armée est là, vous ne lui avez rien demandé, elle est alertée, mais si vous avez besoin de l'armée pour rétablir les grands services publics, non pas pour aller dans la rue, comme certains journalistes ont voulu le faire croire en déformant ce que j'ai dit, non, mais les grands services publics, c'était important, parce qu'ils ne marchaient plus. Et l'armée pouvait les prendre, et il ne pouvait pas y avoir que le premier corps d'armée qui rentre dans le coup, il fallait aussi qu'il y ait celui de l'autre côté du Rhin. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire quand les services publics ne marchent plus. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, quand j'ai dit au général, le commandant du corps d'armée, le général Hublot, me charge de vous dire qu'il est à vos ordres, le général Beauvallet, commandant de la région, lui dit même chose, ben, la réflexe du général a été tout de suite, bon ben, je vais voir Massu pour savoir s'il est dans le même état d'esprit. Et il m'a dit de convoquer Massu en Alsace. Le voyage à Baden, c'est fortuite. C'est parce que je n'ai pas pu toucher Massu. Le départ n'était pas précipité, puisque je l'ai dit dans mes souvenirs d'autre Gaulle, mes camarades de camp qui étaient de service, le lieutenant-colonel Descrienne et le commandant Talon de l'armée de l'air, avaient mis en place les hélicoptères à Issy-les-Moulineaux. Ce qui fait que le général, ayant pris sa décision, a décollé d'Issy-les-Moulineaux à 11h45, ce mercredi 29. Je suis allé aussi à Baden-Baden avec lui. Mais nous avions très peu de choses avec nous qui prouvaient que c'était une solution tout à fait provisoire. Et c'était la petite valise de week-end. D'ailleurs, lui avait deux hélicoptères, deux Alouette 3. Dans un, il y avait mon père, ma mère, l'aide de camp, le pilote, le radio. Plus une ou deux valises. Dans l'autre, il y avait M. Ducret, les deux pilotes, le médecin et un autre homme de sécurité. Par conséquent, il pouvait emmener très peu de choses. Alors quand on a dit que le général était parti à Baden avec un déménagement, c'est une plaisanterie. Il n'a pas emmené sa famille. Il a fait envoyer sa famille en Allemagne. C'est une autre chose. Hein. Le général de Gaulle a voyagé avec Madame de Gaulle et avec moi-même. Sa famille a été dirigée sur ordre sur Baden. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que sa famille puisse servir d'otage éventuellement et que l'on pèse sur lui dans les circonstances dramatiques dans lesquelles se trouvait l'État. « Général Massu. Le général est arrivé tout à fait impromptu à Baden, et je ne m'attendais absolument pas à son irruption sur la scène allemande. Le général m'a paru légèrement traumatisé par les événements qu'il venait de traverser à Paris. Il avait est pessimiste, il avait l'air de penser que les choses n'allaient pas s'arranger, que les communistes avaient tout bloqué en France et que finalement il n'avait guère prise sur les événements maintenant que le pouvoir commençait à lui échapper. J'ai eu le sentiment qu'il avait envie de prendre l'air et peut-être même de se ressaisir un petit peu. Probablement personne autour de lui à Paris ne lui a parlé comme il attendait qu'on lui parle. Et que d'autre part, moi, je lui avais déjà parlé assez franchement et même brutalement dans le passé. Alors peut-être a-t-il eu envie que je recommence. Le général a repris les expressions qu'il avait eues au début pour me dire que ça tournait pas rond en France, que M. Pompidou avait peut-être eu tort au début de composer avec les étudiants, mais qu'il avait eu... ensuite, il avait été très bien. Et puis alors, il est revenu à son cas personnel... Et il m'a donné l'impression de chercher à se détendre et à réfléchir. Alors, moi qui étais animé par le désir de lui rendre service en le refoulant, si vous voulez, enfin en lui faisant clairement comprendre qu'il valait mieux qu'il ne reste pas trop longtemps chez moi, je me suis efforcé de lui fournir tous les arguments dans ce sens-là, y compris des arguments assez vigoureux. Il m'écoutait avec attention. Alors qu'il était assez prostré en arrivant, je l'ai vu petit à petit se redresser. Et puis, à un moment, je lui disais même des choses un peu dures sur la position qu'il risquerait d'avoir s'il restait trop longtemps chez moi. Et je me suis un peu retenu de continuer à parler et il m'a dit « continuez ». Alors j'ai lâché le dernier paquet que j'avais à lui dire en exprimant l'idée que c'était pas possible qu'il reste davantage ici, sous peine de se déshonorer. Nous avons passé en tout et pour tout 1h25 à la résidence du général Massu, et que durant cette 1h25, le général a déjeuné sur un plateau dans le bureau de Massu durant 30 minutes, ce qui laisse évidemment un peu de temps pour les conversations, mais l'essentiel, à mon sens, a été obtenu. Dès que le général, débarquant de l'hélicoptère sur la pelouse de Massu, lui a dit « Alors Massu, tout est foutu ». Et Massu lui a répondu « Un homme de votre prestige a encore des moyens d'action ». À la suite de mes objurgations, environ après trois quarts d'heure, je l'ai vu se relever. Et puis il m'a donné la collade, ce qui m'a donné l'impression que je n'avais pas été complètement inutile dans cette entrevue. Et puis il m'a dit « Bon, je repars, aller chercher ma femme ». De Gaulle est resté quelque temps à Baden et a décidé donc de regagner la boisserie, ce qu'il a fait le soir. Et je crois qu'il ne s'est rendu compte de la portée de ce voyage éclair qu'en écoutant les informations le soir à la télévision. Il a réalisé à ce moment-là l'émotion énorme qu'avait provoqué son départ. Et comme c'est un homme qui savait... apprécier les situations et saisir les occasions, il s'est rendu compte que là, il avait la possibilité de reprendre les choses en main, qu'il n'avait sans doute pas la veille, car à ce moment-là, l'intérêt se portait sur ses adversaires et sur les manifestants. Et j'étais là aussi quand on a annoncé que... Enfin, quand le général a téléphoné, façon quasiment guillerette, en disant « à demain, je suis à Colombey, à demain ». Un général totalement différent. Et ceci entre, disons, 9h du matin et 5h du soir. Il m'a appelé ensuite. Il a commencé par me dire, d'un ton assez dégagé, par me demander « Alors, que dit-on à Paris? Comment cela va-t-il ?» Je lui ai dit que les gens étaient fort inquiets, très perturbés, et que l'ignorance dans laquelle il nous avait laissés de ce qu'il comptait faire dans la journée n'avait pas facilité la tâche de ceux qui essayaient de rassurer les autres autour d'eux. Il m'a dit bien, il passait très vite là-dessus, et il m'a dit bien, en ce qui me concerne, je me suis mis d'accord avec mes arrière-pensées. C'était Chronique de mai, une série de Dominique Chagnolo. Aujourd'hui, 6e émission, Tout est possible. Groupe de réalisation, Anna Sibert, Arlette Adrian, Claude Niort. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 8 août 1988, où l'on retrouve Renaud, le chanteur Renaud, au micro de Noël Simsolo, évoquant son mai 68. En 68, mon lycée, donc, lycée Montaigne, était en grève, comme beaucoup bien des lycées. C'est-à-dire, quand je suis arrivé au lycée Montaigne, au départ, c'était un peu spécial, c'était un des lycées les moins politiques de Paris, les moins politisés. Et on devait être au début de l'année, c'est-à-dire en septembre 67. Deux ou trois éléments perturbateurs, gauchisants, avec une envie de. Déjà de se marrer, de foutre le boxon, et puis en plus de faire des choses politiques par rapport à la guerre du Vietnam, par rapport à ce qui se passait en France dans, au niveau politique. Et il y avait par contre une bande de faf monstrueuse qui se préparait à faire des études de droit et d'aller quelques mètres plus bas dans la rue Auguste Comte, se retrouver à la fac d'Assas. Et puis, au cours de l'année, comme ça, on a grossi nos rangs avec des potes. Et il y a des lycées voisins qui venaient nous rejoindre et nous aider. On a, avec le lycée Lavoisier, qui n'était pas loin, on a créé le comité Vietnam au lycée Montaigne. Et à la fin de l'année, disons qu'on était une bonne centaine d'éléments... gauchisant dans le lycée contre toujours une cinquantaine de fachos crâne rasé avec qui on se battait à la sortie du lycée, quoi. C'était à coups de chaises, de matraques plombées et tout. Enfin, rien de bien méchant, beaucoup moins méchant qu'aujourd'hui. C'était les premiers bastons, quoi. Premiers bastons, et il y avait souvent les fafs d'Assas qui débarquaient en bande à une centaine pour casser la tête aux vilains gauchistes du lycée Montaigne. Et de temps en temps, il y avait une centaine de gauchistes de Normale Sup, de la rue d'Ulm, qui débarquaient à Montaigne pour nous filer un coup de main. Et ensuite, mai 68 est arrivé. Et là, bon, je te dis, après quelques mètres fourvoyés chez les Mao, sans bien savoir pourquoi, je me suis retrouvé à la Sorbonne. Et là, bon, je me souviens un soir d'avoir arraché les rideaux d'une salle de projection, qui étaient donc des grands rideaux noirs, bien épais et tout, d'avoir cloué ça sur un manche à balai, sorti sur le boulevard Saint-Michel avec ce grand drapeau noir à la main. Par contre, en 68, j'avais aussi créé un mouvement. Moi, j'étais arrivé à la Sorbonne en mai, et je venais du lycée Montaigne et de la rue, et quand j'arrivais à la Sorbonne, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de rester ici, quoi. Qu'est-ce que je vais foutre? Puisque j'étais anard et que j'avais pas envie de... m'affilié à aucun mouvement, je suis rentré au comité de balayage. Et pendant deux jours, j'ai balayé les couloirs, parce qu'il y a des mecs qui étaient là et tout, genre, camarades, c'est notre lieu, enfin, des grands discours sur il faut rester propre, la propreté n'est pas un principe bourgeois, tu vois. Et j'ai balayé les couloirs et la cour de la Sorbonne pendant deux jours, et puis un jour, j'ai vu une espèce de bout de papier marqué troisième étage, escalier E, comité révolutionnaire d'agitation culturelle, crac. Et je suis arrivé là-dedans, je dis, je peux m'inscrire et tout. Ah bon, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais rien. Enfin, si, j'écris des poèmes. Bon, d'accord. Et je suis resté quelques jours là, j'ai fait la connaissance d'un pote qui s'appelait Sarkis Cazenave. Et avec lui, on a créé le groupe Gavroche révolutionnaire. Au crac, on devait être une vingtaine, et au groupe Gavroche révolutionnaire, on était deux. Et c'est dans le cadre du groupe Gavroche révolutionnaire que j'ai fait mes premiers pas sur scène, dans les amphis de la Sorbonne, dans des espèces de MJC. Pendant mai 68, on allait en banlieue, dans des maisons de la culture, où je ne me rappelle plus très bien, faire des espèces de spectacles avec le crack, des spectacles de danse, de poésie et tout. Et moi, à l'époque, je disais des sketchs de Guy Belos et je récitais mes poèmes. Et en 68, j'ai écrit un poème, bon, après avoir lu la chanson d'Évariste, j'ai écrit un poème sur ma vision des événements de mai. C'était une chanson qui s'appelait